Tâche 4. Voir, écouter. 26 minutes plus tôt, interview avec Karl-Heinz Inhabnit. 26 minutes est une émission hebdomadaire de divertissement produite par la radio-télévision suisse et est présentée par les comiques Vincent Cuchol et Vincent Veillon. Ce magazine discute des thématiques d'actualité et des nouveautés de la Suisse, mais aussi du monde entier. Les émissions sont très humoristiques, satiriques et se moquent souvent de clichés. Dans l'extrait que j'ai choisi, Vincent Veillon interroge sous forme d'interview le lieutenant-colonel Karl-Heinz Inhabnit, qui appartient au groupe de travail de l'armée suisse, qui se focalise sur l'extension de la présence de l'armée sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. En interrogeant Karl-Heinz Inhabnit, Vincent Veillon veut révéler le pourquoi l'armée se lance sur les réseaux sociaux et veut s'ouvrir au monde de cette manière. Vincent Veillon pose ses questions de façon qui exige une certaine réponse qu'il aimerait entendre et qui met en évidence aussi Karl-Heinz Inhabnit comme personnage célibataire, frustré, seul, qui n'est pas au courant et pas du tout cool, mais un vrai bunzli. Évident que l'interview est satirique et se sert souvent d'hyperbole et d'exagération pour montrer de manière très accurate le stéréotype d'un prestataire de service militaire qui, comme déjà annoncé au début de ce texte, convient au cliché qu'on a de l'armée suisse. Karl-Heinz Inhabnit n'est pas du tout incompétent au niveau de langue puisqu'il maîtrise assez bien la langue française. Il sait formuler des phrases assez correctes et réussit à transmettre le contenu de manière compréhensible. Mais quand même, on trouve certains éléments qui révèlent son origine suisse-allemande. Premièrement, il a un accent qu'il ne réussit pas à cacher. Un bon exemple est quand il dit « Instagram » à la place de dire « Instagram » à la française. En plus, il a des difficultés à prononcer le « j ». Il dit « les jeunes » à la place de dire « les jeunes ». De manière plus douce. Deuxièmement, à chaque fois que Karl-Heinz Inhabnit exprime une sensation d'étonnement, il ne peut pas cacher sa langue maternelle, car il dit « hoi hoi hoi hoi hoi » ou « hey ». Ces interjections sont typiquement allemandes, aussi avec l'H prononcé au début d'un mot. Troisièmement, il fait souvent des fautes avec la négation. Plusieurs fois, il dit « mais ça, je sais pas » à la place de dire « mais ça, je ne le sais pas ». L'utilisation fautive de la négation est une faute typique pour quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle.